Ayo, j'annonce la couleur. Mec criminogène, c'est tout l'art de foutre la merde en émeute avec pavé. Foulard, la merde, c'est là où je suis. Seule chose que je connais par cœur, gravé dans ma tête comme un nique la France au marqueur. Les miens sont parqués dans des cités marquées par le vide. Aujourd'hui, on est tous embarqués dans la même galère. Pauvres, ils n'en ont pas l'air, car l'attitude criminogène fait qu'on n'a pas le même salaire. La balère, tout à fait qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Pour profiter de la vie, les miens vont à 100 à l'heure. Car c'est criminogène dans nos rimes comme dans nos gènes. Représente ces jeunes qui fument des substances hallucinogènes. À croire qu'on est tous les points liés au béton. Maintenant faut se méfier, les frères se tapent pour un téton. La baguette, croit pouvoir nous mener à la baguette. Mais quand t'as guette à bord, y'a pas de pute comme les nuggets. Qu'est-ce qui fait bander les jeunes? Tire gun s'il y a problème, c'est rime criminogène. Y'a pas craché sur notre emblème. Qui fait bander les jeunes? Tire gun s'il y a problème, c'est rime criminogène. Y'a pas craché sur notre emblème. Qui fait bander les jeunes? Tire gun s'il y a problème, c'est rime criminogène. Y'a pas craché sur notre emblème. Qui fait bander les jeunes? Tire gun s'il y a problème, c'est rime criminogène. Y'a pas craché sur notre emblème. Ça fait des ans que je suis ici. Se faire du souci maintenant, je m'en fous si aujourd'hui je nique la démocratie. L'État, sa suprématie, la vie sous la 5ème République. C'est nos gosses précoces en sursis. Sois pas surprise, dans nos bouches y'a pas de merci. Sois pas surpris, ici c'est les substances j'apprécie. Je suis le seul qui ne voient pas plus loin que leur casquette. Des potes criminogènes, ou c'est les braqueurs qui se font respecter. C'est le monde à l'envers peut-être. À l'église, peu de monde dimanche pour écouter le sermon du prêtre. L'an 2000, c'est la merde qu'il faut être en bas de ta fenêtre. L'an 2000, c'est le mal qui perd en fils va se transmettre. Criminogène, c'est l'envie de tout défourailler. A chaque fois que la daronne lutte pour payer le loyer. Criminogène, la façon dont le monde s'est noyé. Vite voyou, j'ai côtoyé. Sur le parvis, je viens aboyer. Ma souffrance fonce dès, je peux plus festoyer. Estropé par la poisse, criminogène sera mon plaidoyer. Est-ce qui fait bander les jeunes? Tire gun s'il y a problème, c'est rime criminogène. Y'a pas craché sur notre emblème. Qui fait bander les jeunes? Tire gun s'il y a problème, c'est rime criminogène. Y'a pas craché sur notre emblème. Qui fait bander les jeunes? Tire gun s'il y a problème, c'est rime criminogène. Y'a pas craché sur notre emblème. Qui fait bander les jeunes? Tire gun s'il y a problème, c'est rime criminogène. Y'a pas craché sur notre emblème. On vit dans une époque de tarés et l'ambiance est malsaine. Sont beau mettre mes refs aux arrêts. L'atmosphère n'est pas saine, y'a problème. M'inspire la haine, ce putain de système, le système. Faut pas que ça me tape sur le système. Époque criminogène, dans nos rimes nos gènes. Quand les jeunes sont plus en gêne, sort tarpé ou lacrymogène. Le vice vient vertu et shit remplace l'oxygène. Et moi je m'évertue dans la dissidence, mon emblème. Mais combien j'en blâme, combien de mes refs s'abîment. Combien sont mêlés au drame et se plongent dans les abîmes. Bien coutu, l'adolescence trop foutue en l'air. C'est à chaque jeune son quasi judiciaire. La tristesse de mon secteur m'a rendu sectaire. Époque criminogène, développe un style lapidaire. Agit tel un kamikaze suicidaire. Quand je prends le mic ici, c'est le talent que je considère. Est-ce qui fait bander les jeunes? Tire gun s'il y a problème, c'est rime criminogène. Pas craché sur notre emblème. Est-ce qui fait bander les jeunes? Tire gun s'il y a problème, c'est rime criminogène. Pas craché sur notre emblème. Est-ce qui fait bander les jeunes? Tire gun s'il y a problème, c'est rime criminogène. Pas craché sur notre emblème.